Valérie, instruite le soir même de ce triomphe, exigea du baron Hulot qu'il allât inviter à dîner Stidmann, Claude Vignon et Steinbock, car elle commençait à le tyranniser, comme ces sortes de femmes savent tyranniser les vieillards qui trottent par la ville et vont supplier quiconque est nécessaire aux intérêts, aux vanités de ces dures maîtresses. Le lendemain, Valérie se mit sous les armes en faisant une de ces toilettes que les Parisiennes inventent quand elles veulent jouir de tous leurs avantages. Elle s'étudia dans cette œuvre comme un homme qui va se battre repasse ses feintes et ses rompus. Pas un pli, pas une ride. Valérie avait sa plus belle blancheur, sa mollesse, sa finesse. Enfin, ses mouches attiraient insensiblement le regard. On croit les mouches du XVIIIe siècle perdues ou supprimées, on se trompe. Aujourd'hui, les femmes, plus habiles que celles du temps passé, mendient le coup de lorgnette par d'audacieux stratagèmes. Telles découvrent, la première, cette cocarde de ruban, au centre de laquelle on met un diamant, et elle accapare les regards pendant toute une soirée. Telle autre ressuscite la résille ou se plante un poignard dans les cheveux pour faire penser à sa jarretière. Celle-ci se met des poignets en velours noir, celle-là reparaît avec des barbes. Ces sublimes efforts, ces Austerlitz de la coquetterie ou de l'amour, deviennent alors des modes pour les sphères inférieures au moment où les heureuses créatrices en cherchent d'autres.